Alors, mon pauvre lave-vaisselle, comme ça, tu nous quittes ? Eh ouais, mon frigo sûr, c'est la fin, je suis plus étanche, je lave plus une assiette. Oh, tu vas connaître les joies du recyclage ! Ouais, j'ai peur de ouf, ça fait mal ça, tu penses ? Mais non, regarde-moi, j'en suis à ma deuxième vie et ça m'a fait ni chaud ni froid. Ah ouais, ni chaud ni froid, j'ai compris. Ne jetez pas vos appareils hors d'usage. Tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie, se recycle en magasin et déchetterie. Trouvez votre point de collecte sur écosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Je vois, ça me suffit. Ça me va droit au cœur. Où est Fabrice ? Moi, c'est Fabrice. Je suis travailleur au pair. Donc, travailleur au pair, ça veut dire je suis un consommateur et à la fois je travaille avec une équipe de travailleurs sociaux. Ici, on se trouve à l'espace de repos de la Porte de la Chapelle. Je laisse ma collègue se présenter. Moi, c'est Elsa, je suis éducatrice spécialisée et assistante de service social. Et je suis coordinatrice du lieu, qui est un CARUD, donc un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Amadou. Faire de la santé autrement. Une série documentaire de Claire Richard, réalisée par Assia Ralid. Épisode 3, utiliser son expérience pour soigner, les savoir-faire. Alors il faut savoir que nous sommes en face de l'ancienne colline du Crac qui était placée sur tout près du périphérique. Donc nous sommes tout près du périphérique. Donc tout ce qu'on entend autour de nous, c'est le va-et-vient des voitures. Nous sommes dans des containers, nous en avons plusieurs. Donc là nous sommes dans l'accueil bis, c'est l'accueil numéro 2. Et il y a l'accueil principal qui est l'accueil numéro 1. Nous avons aussi d'autres préfabriqués où il y a d'autres services, le service de douche, le service de buanderie et le service des travailleurs sociaux même, tout ce qui est la permanence sociale. Et on entend un petit peu aussi le bruit des usagers qui sont dans la cour. Donc on travaille un petit peu en plein air. Du coup, une nuisance sonore assez importante. Alors ici, tous les jours, nous recevons essentiellement des consommateurs, des substances psychoactives. Essentiellement ici, c'est la particularité du crack, des gens qui s'injectent aussi, des shooters. Donc ils viennent ici tous les jours, c'est un lieu de détente, c'est un lieu pour se mettre à l'abri du produit, pour faire une coupure, pour faire un break, pour se reposer, pour prendre une douche, pour faire des démarches sociales. Donc on se situe aux environs de 230-250 passages jour ici. Moi j'ai une quarantaine d'années, je viens de la Guadeloupe, des Antilles françaises, la Guadeloupe. Je suis personnage normal, j'ai fait des études, j'ai eu mon bac, j'ai fait l'université, tout ça. Mais dans ma cité, je côtoyais les... Je ne vais pas dire les mauvaises personnes, c'était des amis d'enfance, mais qui étaient déjà dans le trafic, qui roulaient avec déjà des grosses chaînes en or, des grosses motos, des scooters. Et moi, je côtoyais un petit peu les deux milieux. Donc l'école et en même temps la rue. Petit à petit, la rue a pris le dessus sur l'école. Je me suis mis à trafiquer de la drogue. Le shit, c'est le premier produit que j'ai vendu en Guadeloupe, même s'ils viennent de l'Hexagone. Et après, tout de suite, je suis passé à la vente de crack sur le ghetto de Boissard. C'est l'un des ghettos le plus connus aux Antilles. Et après, je suis passé à la vente de cocaïne en poudre. Et voilà. Donc, petit à petit, au départ, je ne consommais pas. Je vendais purement. Et petit à petit, le week-end, comme ça, par esprit de permissivité, je me disais, hop, t'as bien travaillé cette semaine, t'as fait une belle liasse, tu peux te permettre une ligne de coke. Une petite ligne de coke, ça va rien faire. Et tous les samedis, c'était mon délire comme ça, une ligne de coke, de l'alias d'argent, un verre de whisky, un verre de cognac dans ma voiture. Et je déambule dans les rues de mon quartier, de Pointe-à-Pitre du ghetto, comme ça. Et dès que les clients me voyaient passer avec ma voiture, ils me faisaient stop. Je ne vendais pas sur une place, hein. Je vendais en roulant. Et petit à petit, j'ai consommé moi-même. On ne m'a pas fait le goûter, je l'ai goûté de moi-même, le crack. Et petit à petit, comme ça, les consommations se sont rapprochées. Mais au début, le crack ne m'a pas posé problème. Au contraire, je jouais même avec ça comme quelqu'un qui prendait la ligne de coke. C'est-à-dire que je pouvais prendre un rail de coke ou fumer un kiff de crack et arriver devant ma mère, parler normalement et capter rien. Au départ, je fumais avec des consommateurs des fois. Quand ils fumaient, ils entendaient des choses, ils voyaient des choses. Ils me disaient, regarde, il y a un policier dans l'arbre qui nous surveille. Regarde, il y a quelqu'un qui est derrière la porte, on va tirer sur nous. Et ça, c'était les hallucinations. Et ils me disaient, mais comment tu fais pour fumer que toi, tu n'as pas ces trucs-là? Mais ces trucs-là sont apparus après chez moi, 8 ans après. Et là, j'ai fait une première cure pour faire plaisir à mes parents en Guadeloupe. Et j'ai fait un grand parcours en cure de désintoxication. C'est là où j'ai appris beaucoup de choses, hein, dans tout ce qui est les addictions, dans les stratégies, dans l'évitement, dans tout ce qui est le craving, toutes ces choses-là. Et j'ai travaillé dans ce domaine-là, comme ici-là, dans un CQ de prévention qui se passait en Guadeloupe. On faisait de la prévention dans les collèges, d'où le fait que je répondais au profil pour travailler ici. Voilà. Vous pouvez nous dire ce que c'est le craving? Le craving, c'est l'état de... Tu viens de tirer un kiff, là, par exemple. Donc, ça te fait monter le kiff. C'est une excitation très forte et très brutale. Ça t'envoie monter très haut. Et il y a un temps pour redescendre. Mais si tu ne prends pas ce temps pour redescendre, tu retapes un deuxième kiff, tu ne ressens pas l'effet du kiff. Et le consommateur de crack, il est à la recherche de quoi? Il recherche toujours le plaisir du premier kiff. Dans la définition pure et dure, c'est le besoin compulsif de reconsommer. Alors moi, je suis travailleur de consommateur, connaissance du terrain. Donc je connais la communauté, même si je ne les connais pas chacun individuellement. Ils me connaissent tous dans le milieu. Et moi-même, j'ai été suivi ici en tant qu'usager de drogue avant d'endosser le poste de travailleur PR. Moi, le truc que je peux apporter, c'est que les gars, ils me connaissent. Donc quand ils viennent ici, ils sont naturels avec moi. Donc j'ai été complètement validé, même du côté des usagers. Dans l'équipe, je ne ressens pas de distinction avec l'équipe éducative, socio-éducative de la structure du CARUD. Je ne ressens pas de distinction. Donc, je suis vraiment, vraiment bien implanté dans le truc. Alors, moi, c'est-à-dire que les consommateurs, quand ils vont arriver le matin, comme ils me connaissent personnellement, ils vont me dire, ouais, j'aurais besoin de ci, j'aurais besoin de ça. Moi, je note déjà ces informations. Et après, je vais le transmettre à l'équipe qui a les compétences pour les accompagner socialement. Donc je suis juste là pour faire le lien entre la rue et la structure. C'est ça mon expertise ici. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est justement ce savoir expérientiel, ce savoir de terrain. C'est-à-dire que nous, on a beau être en lien avec les usagers, les connaître depuis plus ou moins longtemps, les avoir connus sur les scènes quand on a fait de la rue, les avoir connus sur les accueils. Il y a une forme de... Moi, j'ai souvent entendu des usagers avec qui j'avais travaillé, que j'ai accompagné longtemps, me dire « Ah bah non, moi, je ne peux pas fumer de crack devant toi » ou certaines choses qu'ils vont faire en rue, qu'ils vont avoir du mal à me raconter parce que bah, toujours la peur du jugement, la peur que ce ne soit pas entendable par un professionnel. Même si on essaye de déconstruire ça, ça reste une réalité, c'est comme ça. Et des fois, c'est peut-être pas plus mal non plus hein, de pas tout dire. Mais du coup, Fabrice, c'est vrai que je pense que les usagers, les personnes qu'on accueille, quand elles échangent avec Fabrice, il n'y a pas cette barrière-là. Ça fait 3 ans que je suis à Paris. J'avais vu le reportage de la colline du crack à la télé. Quand je suis arrivé ici, je sortais du travail à 23h30. Je passais sur le périph' avec ma voiture. Je m'étais toujours dit depuis la Guadeloupe, je ne vais jamais rentrer porte de la chapelle. Ça a duré 4 mois, je sortais d'une cure. Donc ça fait 10 mois que je n'ai pas consommé de cailloux. Et un jour, mon patron, il me dit, je travaillais en double journée, tous les jours pour ne pas toucher le cailloux. Justement, c'était une stratégie, travailler double journée. Donc je gagnais 3000 et quelques euros par mois. Et un jour, il me dit, ouais, là, tu as tellement travaillé, tu dois prendre 3-4 jours de repos de suite. Et là... L'esprit de permissivité, c'est un facteur de risque chez moi, me dit, mais rentre à la porte de la chapelle. Et je rentre. J'arrive à Max Dormois. Maintenant, je sais que ça s'appelle Max Dormois, mais je ne savais pas, hein, c'est la première fois. Et je vois que dalle. Et au bout d'un moment, je vois un attroupement des mecs avec des lox. Je dis, ah, c'est sûrement là qu'on vend le crack. Et les mecs, quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont pris pour un policier en civil. Alors moi, j'ai fait les vitres de ma voiture monter. Je vois des gens qui frappent sur les vitres de ma voiture. Bois, tu veux quoi là? Dégage! Je dis, je veux du crack. Crac, crac, je baisse la vitre rapidement, je la remonte. Crac, crac. Me dit, tu veux du crack? Je dis, 20. Et là, j'achète une canette, je perce des trous et je tire le kiff sur une canette, comme on faisait déjà aussi en Guadeloupe. J'ai rien ressenti et du coup, pendant 2 semaines, je suis pas revenu. Et après, j'ai eu encore un congé de plusieurs jours de la même manière. Et là, cette fois-ci, je suis tombé sur une fille que j'ai embarquée dans ma voiture. Je lui dis, mais le caillou, c'est nul ici. Moi, je viens de la Guadeloupe. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de puissance. Elle me dit, t'inquiète pas, je vais t'amener quelque part. Elle m'a amené au jardin des Halles. Et là, j'ai commencé à avoir du bon produit. Et là, j'ai commencé à carburer. Et là, j'avais rechuté. Donc, tous les soirs, quand je sortais du boulot, c'était jardin des Halles, Stalingrad. Acheter 2 galettes, rentrer dans le 9-1, retravailler le lendemain. Mais c'était tous les jours. Et après, j'ai eu un grand congé payé. 2 mois, et tout le congé s'est bien passé. Un week-end avant ma reprise, le lundi, j'ai fait un détour au jardin des Halles, et là je suis resté scotché. Et là c'était la descente aux enfers. J'ai consommé de manière compulsive. C'est-à-dire que j'ai acheté une première galette, elle n'était pas bonne. Une deuxième, elle n'était pas bonne. Une troisième, elle n'est pas bonne. Dès qu'elle n'est pas bonne, je lui donne à une personne qui est dans le besoin. Et à la 9e galette, je suis tombé sur le bon produit. Et là j'ai commencé à acheter. Je reprends le travail le lundi. Là, j'ai 1800 quelques euros sur mon compte. Je suis resté scotché. C'est la première fois que je restais scotché en France sur une place de conso. Et je suis en train de me convaincre à chaque kiff que je vais travailler lundi. Et j'ai pas pu le faire. Hein. J'ai appelé le patron pour lui donner une blague. Je lui ai dit, tu sais, je veux prendre mon vaccin Covid, ça me fait mal. J'ai des courbatures. Il m'a dit, prends encore 2 ou 3 jours. Croyant que le jeudi, je serais prêt. Mais j'ai reconsommé. Et je suis rentré chez un Antillais qui avait un squat sous la rue à Stalingrad, dans un local désaffecté d'EDF. J'ai fait 10 mois là. Et c'est en venant ici tous les jours, que j'ai fait les démarches, notamment avec Elsa, avec d'autres travailleurs sociaux qui ont pu me trouver un hébergement. Ça a été assez rapide pour moi. J'ai eu de la chance et depuis, je suis hébergé et je travaille ici. Vous, Elsa, vous aviez déjà travaillé avec des travailleurs usagers pairs. Ou est-ce que vous aviez peut-être des réserves là-dessus à certains moments ? Moi, directement sur les assos où j'étais, non. Par contre, j'ai eu l'occasion de voir des usagers que j'ai connus travailler en tant que professionnel pair dans d'autres structures et les voir faire des allers-retours entre ces deux statuts-là. Et c'est vrai que pendant un certain temps, j'ai eu pas des réticences, mais j'ai trouvé qu'à certains moments, on n'avait pas encore assez bien préparer cette posture-là dans les associations. C'était quelque chose qui, pour moi, pouvait être très bénéfique pour ce travailleur pair. Et en même temps, si on ne proposait pas un accompagnement et une formation, on pouvait les envoyer au casse-pipe. On a eu une formation qui nous a présenté le truc théoriquement sur les premiers gestes à faire en cas d'overdose, sur la réduction des risques et toute sa théorie, tout ce qu'il y a autour, sur ce qu'on appelle aussi la posture salariale, c'était le plus gros point. Justement, c'est ce que j'appréhendais aussi, c'est-à-dire est-ce que tu vas être ponctuel, est-ce que tu vas être assidu, est-ce que tu peux travailler avec une équipe pluridisciplinaire. Donc ça m'a permis de voir que je peux travailler en étant un consommateur, que je peux être assidu et que je peux être ponctuel. Tous les jours quand je me réveille, j'ai toujours cette pression, faut pas que j'arrive en retard, faut que je me réveille suffisamment tôt. Pendant que je consomme, ouais, regarde l'heure, 10h30, 22h30, 23h, là tu dois arrêter de consommer demain, tu vois. Donc ça t'apprend à gérer même ta consommation. Et je suis déjà arrivé à ce stade-là, parce que j'ai jamais encore eu d'absence. Je craignais une absence du fait que j'ai trop consommé et que dans ma tête psychologiquement je me sente mal et que l'équipe professionnelle voit que je suis sous-produit, comme si je venais de tirer mon dernier kiff il y a peut-être 30 minutes, quoi. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Ça m'a appris à réorganiser ma consommation, réorganiser mon hygiène de vie quotidienne aussi. Et c'est que du positif. Mais aussi, ça peut être une mise en danger parce qu'on est toujours confronté aux produits. Donc moi, j'ai la connaissance, je sais ce que je suis capable d'encaisser comme quantité de produits et je sais aussi mes facteurs de risque. Mes facteurs de risque à moi, par exemple, si je bois de l'alcool, il va me faire penser à la drogue du haut tout de suite. Il y a un autre truc aussi, un des facteurs de risque aussi, c'est quand tu as de l'argent sur toi. Imagine-toi, je prends un exemple, tu as fait une journée de travail au black, on t'a payé 100€, 150€ sur un chantier. Et tu sors sur le chantier, tu marches avec les 100€ sur toi, dis-toi bien que tu es un fumeur de crack. Ne te mets pas le doigt dans l'œil que tu vas acheter qu'un 10 ou un 20, c'est pas vrai. Toute l'alias va se finir. Tu peux avoir 1000€, si tu as les 1000€ sur toi, quand tu touches au crack, les 1000€ se finissent le jour même. Parce que le crack, c'est quoi? Quand tu as pris un kiff, tu veux un deuxième kiff. C'est de galette en galette, galette en galette. Donc moi, mes stratégies, quand j'ai de l'argent, là j'ai 120€ chez moi, j'ai pris que 10€ pour venir au travail. Je sais que quand je sortirai au travail, je vais emprunter l'axe de la rue de la Chapelle. Je vais sûrement, et peut-être pas aussi, hein, mais je vais sûrement acheter une galette pour entrer à la maison. Mais je n'achèterai pas ni deux ni trois. Et quand j'arriverai à la maison, je ne vais pas ressortir. Chose que je faisais avant, mais c'est parce que j'ai le travail. Je sais que je dois être présentable demain, je ne ressortirai pas. Il y a aussi ce côté... Tu es consommateur et finalement tu as un travail, tu as un hébergement, tu as une vie insérée, tu travailles dans une équipe, tu es posé, voilà, quelque chose d'assez valorisant et d'assez aidant aussi pour ces personnes qu'on accueille en disant voilà, tu es consommateur mais ta vie ne se résume pas à ta consommation et du coup il y a quand même ces exemples-là qui je pense font du bien à nos usagers de se dire voilà, moi, on a eu hein, des usagers qui sont venus me voir et qui m'ont dit bah, moi aussi j'aimerais bien travailler. Pouvoir être utile. Après, c'est des évaluations à faire. Hein. Toutes les personnes qu'on accueille ne sont pas en capacité de faire le travail que fait Fabrice ici. Mais il y en a pour qui on y pense. Ce n'est pas n'importe quel consommateur qui peut faire ce travail-là en même temps. Il y a ceux qu'on peut repérer, que je décèle qu'ils ont le potentiel, mais après, il y a une histoire d'organisation, il y a une histoire de gérer le craving, il y a une histoire de comment faire pour allier le professionnel et sa consommation personnelle. On peut peut-être s'installer là, parce que ça a souvent eu lieu ici, dans cette pièce. C'est ici qu'on fait souvent l'atelier de réduction des risques. Donc on est dans un squat qui s'appelle la Baudrière. C'est un lieu d'habitation, mais aussi un lieu d'organisation politique, qui héberge, je pense, une quinzaine de personnes, et les activités politiques de pas mal de collectifs, dont l'instant T du flirt, une semaine sur deux. Il y a des tags un peu partout au mur... plutôt des tags anarchistes ou féministes ou queer. C'est pas mal de décorations au plafond, des rubans, un peu des câbles électriques. Là, on est assis sur des canapés avec un tapis. C'est assez confortable. Luciole, membre du collectif Flirt. Moi, je suivais beaucoup sur les réseaux toutes les initiatives de personnes trans. Et la création du Flirt, pour moi, ça fait écho parce que ça correspondait à un besoin de communauté et à un besoin de rompre avec la solitude, avec mes questions sur la transition, sur ma transidentité, que je me posais avec moi toute seule, parce que quand on se pose toutes ces questions, on est seul, et autour de soi, on a des personnes qui ne se posent pas ces questions. Donc c'est très précieux de pouvoir accéder à ces espaces. Et quand j'y suis allée, c'est là que j'ai appris. J'ai appris plus qu'en posant des questions à ma médecin, qui pourtant est quand même plutôt ouverte sur la question, mais il y a une méconnaissance en fait de tous ces sujets autour de la prise d'hormones et particulièrement les injections. Et finalement, moi, c'est si ma transition s'est bien déroulée, c'est parce que j'avais accès à ces réseaux de femmes trans qui me donnaient des noms de médecins, qui m'ont expliqué en fait qu'est-ce qui se passait, quelle prise faisait quoi, qu'est-ce que... En ayant toutes ces informations, j'ai pu choisir, moi, de manière éclairée, ce que je voulais pour moi. Et c'est pas ce que j'aurais pu faire si j'avais été complètement coupée de la communauté. Oui, moi, je travaillais aux États-Unis, à Boston. Et bon, comme pas mal de grandes villes aux États-Unis, il y a des cliniques LGBT qui sont souvent des cliniques privées où on a accès à... Charlie, membre du collectif Flirt. À une offre un peu plus diverse de THS, de traitement hormonféminisant. Notamment aux injections. Donc, au bout de 2 mois, j'ai demandé, on m'a proposé de passer aux injections et j'ai demandé à pouvoir le faire moi-même, c'est-à-dire ne pas avoir à revenir à la clinique à chaque fois pour se faire injecter. Et donc, j'ai eu une petite formation de peut-être 2 séances avec un infirmier, juste vérifier qu'on connaît tous les gestes et qu'on sait calculer sa propre dose. Voilà. Donc, quand je suis revenu effectivement en France, ça manquait. Alors au début, j'ai participé un petit peu à des goûters, dans ces cercles un peu militants, comment faire l'injection, quel matériel. Il y avait un vrai, vrai besoin de partager ces connaissances, parce qu'on n'avait aucun accès, et aussi aucun matériel. Les aiguilles qu'on utilise dans le parcours hospitalier aujourd'hui en France, donc c'est du 21G, c'est des aiguilles qui font quasiment 1 mm d'épaisseur. Nous, on a des aiguilles d'un demi-millimètre qui nous ont été trouvé par une association de réduction des risques. C'est un produit qui n'est pas disponible ni en pharmacie, ni bon, probablement sur Internet, si on est un petit peu experte. Mais ça fait aussi partie du savoir, finalement. Alors, quel matériel ? Les grosses aiguilles, elles sont utilisées dans les hôpitaux parce qu'elles permettent d'injecter un produit rapidement. Et souvent, c'est pour une dose unique. Alors que si on s'injecte, nous, toutes les semaines avec du 21G, ben on va commencer à avoir du tissu cicatrisant sur la peau, des marques. Ben ça fait mal aussi, ça repousse en fait, tout simplement. Ça fait des ruptures de parcours. Le collectif, il est né après la crise Covid. Donc c'est décembre 2020, la création d'une cagnotte autour des besoins de survie, donc se nourrir, se loger, se soigner. Donc c'est beaucoup de femmes trans françaises jeunes, parce qu'effectivement avant 25 ans, quand on est en rupture parentale, on n'a pas d'RSA, donc on a zéro ressource. Et beaucoup de femmes trans demandeuses d'asile. Après donc les besoins de survie, donc il y a eu l'instant T. On a commencé à avoir un espace, une permanence hebdomadaire, un espace de sociabilisation, où c'est en fait se rencontrer, prendre soin de soi, sortir de l'isolement, mettre peut-être en commun nos besoins, discuter de nos besoins pour pouvoir s'organiser et échanger les dips médicaux. Puisqu'évidemment, voilà, la prise en charge médicale, c'est un vrai sujet. Que ce soit des adresses de médecins, des produits, quels produits tu utilises, est-ce que ça marche mieux que... Hein, etc. Et évidemment, les injections ont fait leur apparition très rapidement. Commencer les injections, ça veut dire sortir du système médical, ça veut dire ne plus avoir de médecins formés qui peuvent répondre à la question, des médecins qui ne connaissent pas la littérature scientifique, du matériel qui est inadapté. Tout ça, c'est des problématiques qui impactent énormément en fait, le parcours de toutes les filles qui s'injectent, mais qui ne les empêchent pas de s'injecter. Bah, je pense qu'il y a eu un effet de bouche à oreille aussi, assez vite, qui s'est développé autour des injections, parce qu'il y avait Céleste, participante aux ateliers du Flirt. Il y avait un vide associatif aussi, en fait, sur la question. Vu que le produit était criminalisé, en fait, les associations n'en parlaient pas. Du coup, au début, c'était une pratique un peu secrète. Elle était réservée aussi à des personnes qui étaient dans les milieux militants trans, qui avaient du capital scolaire, qui avaient le temps pour lire des revues scientifiques, ce genre de choses. Qui étaient connectées à la communauté. Ouais. C'est ça. Et du coup, il y a eu cet enjeu aussi de, en fait, c'est pas normal que ces informations, elles soient réservées à une petite élite. Et du coup, comment est-ce qu'on transmet cette information? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont passer aux injections sans information du tout. Et du coup, il y a des potentiels risques. Vu que on n'a pas de prescription, on n'a pas d'éducation thérapeutique à l'injection intramusculaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller voir une infirmière pour qu'elle nous apprenne ou pour qu'elle nous fasse le geste de l'injection, vu que c'est un produit criminalisé, elle ne peut pas. Du coup, on doit s'apprendre entre nous à le faire. Beaucoup de nos actions sur les injections, c'était beaucoup basé sur ça aussi, sur juste apprendre les gestes et les bonnes pratiques de l'injection. Et ensuite, en fait, il y a plusieurs produits. Il y a plusieurs rythmes d'injection, il y a plusieurs choses, mais c'est aussi, en fait, c'était un peu rassembler plein de savoirs communautaires qui existaient, qui étaient en ligne, qui n'étaient pas forcément en français, et permettre leur diffusion, et aussi les critiquer, et en développer des nouveaux par notre pratique, et par le nombre de personnes qui viennent, et parce que il y a des profils différents qui viennent, et du coup, en fait, il y a des besoins différents qui viennent au fur et à mesure. C'est devenu un système, je sais pas, de parrainage, d'entraide pair à pair. En France et dans beaucoup d'endroits dans le monde, les transitions hormonales féminisantes sont vues comme d'abord une forme de castration, une stérilisation, puisqu'avant c'était même requis pour accéder au changement de la mention de genre. Donc souvent, on nous administre d'abord des bloqueurs de testostérone, seuls, pendant quelques mois. C'est un processus qui fait partie des recommandations de la HAS 2009, de dévirilisation. Donc aucune hormone sexuelle pendant quelques mois. Et ensuite, après 6 à 9 mois, on donne des œstrogènes, donc de l'estradiol, principalement. Aujourd'hui, souvent, les filles commencent par un petit peu d'hormones, des bloqueurs, pas tout le temps. Donc ça dépend, et c'est aussi quelque chose que nous on revendique, ça dépend des envies, des objectifs. Est-ce qu'il y a une dysphorie forte? Est-ce qu'elles veulent arrêter une chute de cheveux? Est-ce qu'elles veulent réduire une pilosité? Dans ce cas-là, peut-être que les bloqueurs, ça peut aider. Du coup, il y a des personnes trans qui prennent des hormones, il y en a qui n'en prennent pas. Et ça, d'ailleurs, c'est un des conflits avec aussi des organismes comme la HAS, c'est que c'est des organismes qui considèrent que l'hormonothérapie, c'est un passage obligatoire. Et ensuite, un des enjeux, c'est qu'aussi, en fait, les œstrogènes, du coup, qui sont disponibles sur le marché en France, du coup, qui ont une autorisation sur la mise sur le marché, leur autorisation n'est pas pour la transidentité. Du coup, c'est pour les œstrogènes, c'est des traitements pour la ménopause, majoritairement. En fait, il n'y a pas d'offre thérapeutique faite pour la transition sur le marché aujourd'hui. Par quel canal vous devez passer pour trouver les produits dont... Est-ce que c'est dans d'autres pays ou est-ce qu'il faut les fabriquer carrément ? Il y a les deux qui se font. Effectivement, il y a des produits qui sont importés illégalement. Et donc, dans ces produits-là, il y a deux types de produits. Il y a les œstroprogestatifs qui sont donc des contraceptifs. Voilà. Et ensuite, il y a les THS, traitements hormonaux de substitution, pour la ménopause. Mais c'est assez dur de s'en procurer. Donc aujourd'hui, les filles qui viennent à la salle de réduction des risques, elles utilisent beaucoup des produits artisanaux qui sont faits depuis 2018, je crois. Il y a une vente sur Internet de produits artisanaux. C'est Lena, une femme trans ukrainienne qui avait commencé ceci. Après, il y a eu Otokonoko au Brésil. Et ces produits-là sont vraiment faits artisanalement. Lena, au début, elle disait une cocotte minute pour stériliser ses fioles. Effectivement, c'est la communauté qui autoproduit ces hormones. Du coup, la criminalisation aussi du produit, ça impacte la communauté à plusieurs échelles, où ça impacte les personnes qui consomment, mais aussi les personnes qui produisent, les personnes qui font des ateliers de réduction des risques. Parce que c'est une substance contrôlée, hein, ce qu'on dit. C'est pas une substance stupéfiante, mais la vente, la possession, l'utilisation, la production, tout ça, c'est légalement, je sais pas comment dire, répréhensible. Avec des amendes et des peines de prison qui sont assez proches de celles des produits stupéfiants. Et alors là, du coup, qu'est-ce qu'il y a sur la table ? Il y a des boîtes, il y a des bouteilles, il y a des... Je sais pas ce que c'est, des espèces de compresses ? Des lingettes, oui, des lingettes désinfectantes. Et là, il y a des champs de soins qui servent à avoir un espace aseptisé sur lequel travailler. Les lingettes désinfectantes, elles servent à désinfecter ou alors la fiole avant d'insérer l'aiguille ou alors à désinfecter le point d'injection. Enfin, les deux en principe. Il y a aussi une boîte de seringues. Des seringues de 1 ml graduées au centième de millilitre qui existent en plastique ou en faible volume mort. Le faible volume mort, ça permet d'éviter d'avoir trop de pertes. Économiquement, c'est intéressant pour certaines personnes. Ensuite, on a des aiguilles de 25G, c'est-à-dire de 0,5 mm d'épaisseur. Elles existent en format court, donc 25 mm seulement. Celles-ci, elles sont très prisées parce qu'elles font moins peur que les autres. Elles existent en format long, en 40 mm. Ensuite, là, on a une poubelle jaune qui s'appelle une dasserie, déchets d'activité de soins à risque infectieux. C'est là où on met toutes les aiguilles. Voilà. Et puis enfin, on a notre fameuse brochure qui résume tous les gestes de l'injection. Comment prélever le produit, comment faire le Z-track, comment faire un retour veineux, où s'injecter, comment inspecter sa fiole pour s'assurer qu'il n'y a pas de microbes ou de particules en suspension, etc. Est-ce que vous pouvez raconter comment se déroule un atelier ? Alors, on commence, on fait l'appel. Attention, l'atelier va commencer. Voilà. Et on commence par les 5 règles, par poser le cadre. Donc la première, respect de soi. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, on ne le fait pas. Si on veut sortir de la salle, on peut sortir de la salle à tout moment. On peut demander que quelqu'un vienne avec nous. Respect des autres. Évidemment, on respecte. Chaque personne a un parcours différent. On le respecte. On essaie de parler à la première personne, de dire je, d'éviter les généralités. On essaie de faire attention à son temps de parole, à la place qu'on prend. Troisième règle, la confidentialité. Tout ce qui se dit ici reste ici. Évidemment, on va partager des choses sur notre parcours. C'est un moment à nous qu'il faut qu'on le garde précieusement. Quatrième, la sécurité. Donc sécurité, évidemment, quand on manipule du matériel pour injection, mais aussi au sujet de la salle, de l'espace. Comment est-ce qu'on parle de cet espace aux médecins? Comment est-ce qu'on parle aux assos? Ça mettrait potentiellement l'espace en danger. Et cinquième règle, c'est le pacte trans. Donc on n'utilise pas ce qu'on entend ou ce qui se dit ici pour faire du mal à une sœur. Les filles, de plus en plus, avec l'expérience, elles ont des questions. Donc on leur propose de se présenter, de dire leur prénom et de poser une question. On fait le tour de toutes les questions, on les marque sur le tableau. Ça c'est important, c'est un geste pédagogique de dire ta question, en fait, elle a une importance, vraiment. Et après, on essaie d'y répondre collectivement. La médecine en général, c'est un savoir universitaire qui vient du dessus, qui est donné par le médecin. Et du coup, ça tend aussi à nous donner un sentiment d'illégitimité pour parler de notre transition ou pour mettre en avant des savoirs qu'on aurait. Et du coup, il y a un peu cette idée de ces ateliers collectifs par les gens qui posent des questions et que tout le monde puisse répondre. Il y a cet enjeu de montrer qu'en fait, on a les réponses entre nous. Et parfois, c'est OK, on n'a pas les réponses, mais aussi parce qu'en fait, personne ne les a. Et les problématiques qui sont soulevées, elles sont de plus en plus complexes. Et en fait, il n'y a personne qui a les réponses. Et du coup, il y a un peu cette idée de créer du savoir aussi par ce biais-là. Et quand on ne sait pas répondre, ça nous donne du matériel d'enseignement pour quand on fait les formations de médecins. Ben, on leur dit, ben voilà, si vous ne savez pas répondre à cette question, comment voulez-vous qu'on vide les ateliers de réduction des risques qui se passent dans des squats aujourd'hui à Paris? Nous, on a besoin de réponses, on a besoin que vous sachiez répondre à ces questions. Plus on rencontre d'autres filles, plus on voit qu'elles sont que c'est elles les sachantes, en fait. C'est plus le professionnel de santé. Donc c'est assez puissant de voir ça à l'œuvre et de voir que bah, tous ces savoirs, on les puise chez nos sœurs plus que chez un médecin, puisque c'est même nos sœurs qui vont former les médecins sur ces questions-là. Sophie Le Goff, médecin généraliste. Alors avec le flirt, donc on échange beaucoup parce qu'en fait on se voit du coup dans des formations où elles viennent intervenir. On a des formations mixtes d'usagers, d'usagères, d'assos et de soignants et de soignantes. Donc le flirt vient et elles ont souvent des supports et des connaissances que nous on peut pas du tout apporter en tant que personne n'ayant pas fait de transition. Et puis surtout il y a plein de sujets sur lesquels on s'est pas trop posé de questions. Donc elles ont beaucoup d'informations qu'elles viennent elles apporter pendant un temps d'intervention sur la façon, par exemple quand c'est des injections, la façon de faire des injections dans des conditions sécures, les effets indésirables potentiels. Elles ont fait des brochures avec des façons d'accompagner les patientes et les patients. Et souvent aussi, elles viennent proposer et, disons, dire qu'on peut s'automédiquer et avoir un accompagnement médical. Le flirt, elle, c'est comme ça qu'on travaille, je pense, ensemble. C'est qu'elles savent identifier, accompagner et comprendre les réticences qui peuvent se présenter pour avoir un accompagnement médical. Et moi, j'utilise beaucoup leurs ressources, c'est-à-dire que je propose beaucoup les personnes qui font le choix de faire de l'automédication. Je leur dis que c'est bien d'aller rencontrer des gens qui ont cette expertise, qui se sont posés des questions. Donc voilà, c'est vraiment elles qui ont cette ressource et cette connaissance. Elles savent très bien faire ça. Il y a des médecins qui sont très... Il y a une ou deux personnes, peut-être. Disons, il y a une personne qui est très forte. Et qui a enseigné à beaucoup d'autres médecins. Mais à la base, il y avait quelques personnes seulement qui étaient ouvertes, deux, trois, quand les injections d'hormones ont commencé en France en 2018, après 2019. Il y avait vraiment une poignée de médecins qui osaient suivre des personnes qui faisaient ces traitements. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui osent suivre, mais c'est toujours dans un faites, c'est vous l'experte. Voilà, les médecins aujourd'hui ont appris à dire non, c'est vous l'experte. Ça, c'est super. Mais on leur demande alors, mais quel produit? Est-ce que je vais plutôt prendre du Valérate ou de l'énantate? Est-ce que je m'injecte tous les 15 jours, tous les semaines, tous les. Mais ça, dire ah ben là, désolé, mais mes connaissances s'arrêtent, peut-être vous devriez aller voir le flirt. C'est ce que font finalement les médecins aujourd'hui. Ça se rabattre un peu sur nous. En vrai, on n'y croyait pas trop à cette chose-là, mais. Je pense qu'en fait, on a réussi à gagner le rapport de force sur cette question-là aussi. On a réussi à faire comprendre aux médecins qu'en fait, le mieux qu'ils pouvaient faire s'ils ne se sentaient pas experts de la question, c'était de faire de la réduction des risques. Du coup, de regarder les taux des gens, leur expliquer où trouver du matériel d'injection et les renvoyer vers nous. Moi, je trouve que les rôles sont assez bien répartis, en fait. Le médecin, il est là pour lire les hormones, pour utiliser son bagage médical. C'est-à-dire, quand il y a une pathologie, on a besoin d'un médecin. Quand il y a quelqu'un qui réagit mal aux hormones, on a besoin d'un médecin. En revanche, en termes de posologie, en termes de produits, c'est pas son rôle de dire vous devez vous injecter tous les jours. Non, ça c'est... Nous, on en parle beaucoup pendant l'atelier, c'est comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as des changements d'humeur? Est-ce que tu as envie d'avoir un traitement plus stable? Et ces choses-là, ça compte en fait. Et c'est pas le médecin qui va dire, ah bah oui, vous avez des changements... En fait, le médecin, il s'en fout même d'avoir des changements d'humeur, souvent. C'est vraiment un cas des soucis. Est-ce que vous pensez que les assos qui font de l'autosupport ou de l'automédication comme le fleur devraient disparaître d'elles-mêmes parce que les besoins auxquels elles répondent seraient pris en charge par la santé publique, par le système de santé classique, ou est-ce que c'est des espaces qui ont leur utilité même au-delà, quoi, ou différemment? Non, je pense pas du tout que ça devrait disparaître. Au contraire, je pense que ça devrait être renforcé et accompagné. Donc, dans un système de santé idéal, il y aurait, une meilleure reconnaissance et une identification des besoins de réduction des risques dans les pratiques que peuvent avoir les personnes d'automédication. Et que le savoir expérientiel puisse avoir un pied dans la médecine traditionnelle, c'est-à-dire que ça soit à l'hôpital ou que ça soit en ville, par exemple avec, on le voit dans la médiation père en santé, et c'est vraiment des choses aller vers, je pense que c'est vraiment important, et puis de partager une même façon de voir pour certaines situations en santé, c'est essentiel, mais ça ne doit pas disparaître parce qu'en fait, ça évite, l'harmonisation et l'atténuation des pratiques et de la pensée. C'est-à-dire que les institutions traditionnelles sont rarement en avance sur les questions de société et puis ce qu'on peut faire avancer pour améliorer la santé. En général, on court un peu après et on vient valider des pratiques qui sont déjà existantes. On le voit dans l'IVG, on le voit encore dans l'IVG. Je pense que les assos, elles viennent pousser et faire avancer sans avoir cette... contrainte institutionnelle et ces lourdeurs administratives, en tout cas ces lenteurs administratives de faire valider des choses et des protocoles et que ça soit reconnu. Et c'est pas du tout dans le sens Le militantisme, c'est pas du prosélytisme, en fait, vis-à-vis des soignants. C'est vraiment, c'est plutôt de venir apporter des témoignages et des pratiques qui sont déjà en place et qui ont du sens et qui ont l'air d'aller vers une meilleure santé. Et donc, il faut qu'on saisisse, je veux dire, on nous l'apporte sur un plateau, allons-y. Donc, non, ça doit pas disparaître. Par contre, si ça peut être solidifié et accompagné et reconnu d'utilité publique, je pense que c'est plutôt ça la place que ça doit avoir. Et on se rend compte que les filles, elles tirent très peu leurs informations des médecins. Elles font très peu confiance aux médecins, finalement. Elles font surtout confiance à Internet, aux personnes trans et aux assos aussi, un petit peu, aux associations de trans. Souvent, enfin moi, c'était mon cas, quand on va voir le médecin pour la première fois, on lui ment. Le médecin dit, mais alors, la transition, mais depuis quand, pourquoi, comment ? On invente des histoires, en fait. On raconte pas notre vraie vie, on raconte pas notre humanité parce que on a peur de pas être pris au sérieux et on a peur que ce soit pas une raison valable. Donc là, c'est aussi un peu, ben oui, raconter un peu les choses, disons, un peu crues ou peut-être un petit peu pas sales, mais disons, cachées de la transition. Ah oui, les filles, elles disent, moi, j'aimerais, est-ce que je dois choisir entre les seins ou les érections? Ça, par exemple, c'est une grande blague qu'on fait dans le collectif parce que c'est une question que pas mal de filles viennent à poser, mais jamais personne ne pose demande ça au médecin, parce que c'est la honte, on va être prise pour des monstres. En fait, il y a plein de possibles dont on n'a aucune idée aujourd'hui, et on les trouvera que en se regroupant entre nous et en discutant. Et ça, c'est évident, parce que aussi, en fait, les produits qu'on utilise ou la recherche qui est produite sur nous, en fait, elle n'est pas faite pour nous. Elle est faite pour faire de la gestion de risque, pour de l'épidémiologie, des trucs dans le genre, mais elle n'est pas menée par des personnes trans pour qu'on ait les transitions qu'on souhaite. Et du coup, bah, en fait, on a besoin de les créer, ces espaces-là, pour réfléchir à ces questions-là aussi. Moi, je m'appelle Eric. En ce moment, j'écris une biographie sur moi parce que je connais des situations difficiles. J'ai fait plus d'efforts pour m'en sortir. J'en ai parlé à Judith et elle m'a dit « Ouais, lance-toi ». Et je suis en train d'écrire un livre avec Judith et, qui parle de mon parcours hospitalier. Vu que je suis arrivé en France à l'âge de 16 ans. J'ai intégré un lycée de travaux publics dans le bâtiment. Et après, j'ai eu mon bac. Et par la suite, quand j'ai fait un BTS en travaux publics, j'ai pas trouvé de stage en fin d'année. Et j'ai repris le BTS. Et c'est d'où je suis tombé malade, en fait. J'ai connu un état de crise et cela m'a permis de fréquenter l'hôpital psychiatrique. Bon, j'ai connu pas mal d'accompagnement par des psychiatres, des psychologues. Et par aussi, j'ai connu pas mal d'amis en milieu psychiatrique. Et par la suite, j'abordais la vie différemment. Je ne percevais plus les mêmes choses qu'auparavant. Il fallait lier ma vie et la maladie. Il fallait lier les deux ensemble et c'était pas si facile que ça. J'ai connu pas mal d'hospitalisations. C'est au bout de la énième hospitalisation qu'on m'a diagnostiqué que j'étais schizophrène. Et je me suis dit ça va m'accompagner toute ma vie, en fait. Moi, je suis Judith Clément-Vérac, je suis médiatrice de santé père aux hôpitaux de Saint-Maurice. C'est là que j'ai rencontré Eric. On m'a dit que ça l'intéresserait de me rencontrer, que ce serait bien que je le voie pour l'aider. Et donc, quand je l'ai rencontré, il m'a tout de suite interpellée parce qu'il m'a dit, il est arrivé en me disant « je veux tout savoir sur la schizophrénie ». Je lui ai dit « tu veux tout savoir, je vais pas te prendre pour un con et je vais te donner le cours que j'ai eu moi à la fac et qu'on donne aux internes en médecine ». Et on a tout lu, et je t'ai expliqué tous les termes et tout, et, oui. Et à la fin, tu m'as dit, bah, ils se sont pas trompés, j'ai bien tous les symptômes de la schizophrénie. et ça, je pense que ça a été... Enfin, c'est ça, je pense, qui a aussi créé la relation de confiance avec Eric, c'est que voilà, je l'ai pas pris pour un idiot. Et je pense que ma posture de médiatrice de santé des pères aide à ça. Et vu le parcours qu'il avait eu avant, voilà, je pense qu'il avait été extrêmement stigmatisé dans différentes expériences. De temps en temps, dans certaines unités, je ne veux pas faire de généralité sur les soignants, mais il y a aussi des soignants qui stigmatisent les patients, même dans un service de santé mentale et de psychiatrie, quoi. Elle connaît mieux la psychiatrie parce qu'elle a été patiente. Elle connaît mieux ce que nous, on a traversé en tant que malade en psychiatrie, vu qu'elle a traversé des troubles psychiatriques. Ça change, ça nous donne une sensation d'espoir, d'espérer à une vie de rétablissement qu'on cherche, en fait. Parce que quand on est en psychiatrie, tout n'est pas rose, en fait. On a des troubles qui ne cessent de nous enfoncer dans le trou. Et vu qu'on trouve ces genres de personnes qui ont le métier de péridante, qui connaissent la maladie comme nous, elles nous apportent un plus. En fait, j'étais cuisinière avant, pendant 12 ans. J'avais monté mon resto avec un copain. Voilà, c'était plutôt l'éclate. Et j'ai fait une énorme décompensation psychiatrique. D'un coup, 3 mois de phase maniaque carabinée, qui se sont transformés en phase dépressive profonde en une demi-seconde à un moment. Et je me suis retrouvée à l'hôpital du jour au lendemain. J'ai eu plusieurs mois d'errance psychiatrique, comme souvent. Et on m'a diagnostiqué un trouble bipolaire de type 2 et un trouble anxieux sévère. Et j'ai commencé à être traitée à ce moment-là. Et donc, j'ai essayé de continuer à faire mon métier comme je pouvais pendant plusieurs années. Mais c'était quand même compliqué avec la maladie, les traitements. J'avais quand même une fatigabilité beaucoup plus grande. Et en cherchant des formations de thérapeute, quoi, je suis tombée sur un article qui parlait du métier de médiateur de santé père. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la formation et que j'ai faite l'année suivante. À l'Université Paris 13, chaque année, une trentaine de personnes ayant connu la maladie mentale se forment à devenir médiateurs et médiatrices en santé père. Des soignantes et soignants d'un nouveau genre qui utilisent leur expérience de la maladie et du parcours de rétablissement, c'est-à-dire le fait d'avoir reconstruit leur vie avec leurs troubles, pour aider d'autres malades. Lors d'une de mes hospitalisations à Sainte-Anne, où je venais d'être diagnostiquée bipolaire, enfin, j'ai l'impression que j'ai tout appris sur la bipolarité grâce aux autres patients du service, quoi. En fait, on a tellement rien à faire, mais rien à faire, quand on est hospitalisé en psychiatrie, qu'on passait notre temps tous ensemble à fumer des clopes en bas sur les marches. Et du coup, c'est drôle parce que du coup, les normes sociales à cet endroit-là, c'est « Ah, salut, t'es là depuis combien de temps? T'as quoi comme traitement? C'est quoi ton diagnostic? C'est la combienième fois que t'es hospitalisé ?» Et voilà, tout le monde fait connaissance comme ça en posant ces questions-là. Donc c'est la norme, c'est quoi tes symptômes? Et c'est quoi ton délire le plus marrant? Et c'est quoi... Enfin, vu qu'on est tous concernés, il n'y a pas de drame dans ces discussions. Moi, c'est ça que j'adore, c'est que en fait, on en rit de tout ça, vraiment. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans ma promotion, du coup, de médiateur de santé père à Bobigny. On était 33, du coup, personnes, avec tout un parcours de psychiatrie, tout un parcours de rétablissement, toute l'envie de devenir médiateur de santé père, enfin, tous. Et du coup, là, ça a été une promo incroyable, parce qu'il y avait ce truc-là d'entre patients où on peut parler de tout ça, de la maladie de manière complètement décomplexée. Et en plus, on se soutenait dans la mise en place de notre pratique et de notre travail. On tenait plein de tuyaux, de trucs qu'on avait réussi à mettre en place à tel endroit. Hop, on partageait tout et ça a été une expérience incroyable. Ouais. Dès le premier jour où on s'est vu, ça a collé en fait, parce qu'on avait les mêmes objectifs. Et avec les autres, il n'y a pas ce lien-là. En milieu psychiatrique, je n'ai pas trouvé de personne avec qui je pourrais donner confiance pour lui parler de ma vie. Et par rapport aux autres soignants, du coup, c'est sûr que moi, j'ai une position complètement différente. J'ai quelque chose de plus informel. Comme on dit, le médiateur de santé pair, c'est le pivot soignant-soigné. C'est-à-dire que j'ai un peu un pied du côté des soignants, un pied du côté des patients. Même si l'hôpital, l'institution me protège, parce que du coup, ça fait un cadre thérapeutique quand même dans ma relation avec les patients, je suis quand même très proche d'eux. On parle aussi, pour les médiateurs de santé pair, de bilinguisme, parce qu'effectivement, je parle la langue des patients. Et j'ai appris, du coup, dans ma formation et dans mon métier, à parler la langue des soignants, donc tout le vocabulaire médical, etc. Effectivement, avec Eric, on n'a pas la même pathologie. Les médiateurs de santé pair n'accompagnent pas forcément des gens qui ont la même pathologie. Et ce principe-là, il vaut parce qu'on considère qu'on a le même passé, le même vécu de souffrance, du trauma de la maladie qui arrive comme ça dans la genèse, du trauma de l'hospitalisation qui ressemble à un vrai cauchemar, du trauma d'avoir un diagnostic, une étiquette, des traitements à vie. Donc c'est comme ça et à ce titre-là que j'accompagne finalement le détail des symptômes, on s'en fiche un peu quoi. Qu'est-ce que vous faites à deux pour justement construire ce parcours, ce chemin? Avec Judith, on a travaillé en milieu d'éducation thérapeutique du patient. On a parlé de la maladie, des soins, des procédures hospitalières et du comportement lié à la maladie. Sur l'éducation thérapeutique, en fait, l'idée, c'est vraiment de donner un maximum d'informations et de savoir aux patients pour qu'ils puissent être un maximum autonomes dans la gestion de leur maladie. Il y a toute une partie aussi sur l'hygiène de vie, comment organiser toutes les choses qui sont importantes en fait pour rester stable, comment repérer tout ce qui se passe en nous pour repérer le début d'une crise, savoir qui appeler selon le degré un peu des symptômes. Et puis il y a aussi la partie directive anticipée, qui est un peu une nouvelle démarche en psychiatrie. En fait, c'est les directives anticipées si jamais je suis en crise et que je dois être hospitalisée. C'est pouvoir dire à un moment où la personne va bien, à un moment où elle est saine, ce qu'elle veut pour quand elle sera en crise. Voilà, avec elle, j'arrive à mieux comprendre où je me trouve en fait. Parce que c'est un jargon qu'on a du mal à comprendre, qu'on a du mal à cerner, en fait. Pour moi, ton parcours de rétablissement, il est assez incroyable, parce qu'il y avait les crises ont quand même été énormes à l'époque, et il n'y a plus rien de la maladie aujourd'hui, grâce à tout l'accompagnement que moi et mes collègues avons pu faire. Et qu'aujourd'hui, tu es encore hospitalisé, parce que pour des histoires de papier, parce qu'il n'y a pas de titre, il n'a pas pu avoir de titre de séjour. Et du coup, il vit à l'hôpital depuis 4 ans. Mais en fait, c'est pas... Voilà. Il n'a plus rien à faire à l'hôpital. Je pourrais avoir... Pourquoi pas avoir une vie comme les autres. Une vie de famille, une vie de travail, auquel je pourrais bien m'épanouir, quoi. La seule situation qui me manque, en fait, présentement, c'est ma régularisation. C'est vrai, j'ai été régularisé à mes 18 ans, mais comme j'ai connu le parcours difficile... À cause de la maladie, ma régularisation a été bannie. Et ça tarde, en fait, ça tarde. Alors, le statut de ce métier, en général, est adjoint administratif, soit la grille salariale la plus basse de la fonction publique hospitalière. Et en fait, notre problème, c'est que le métier n'existe pas. Il n'est pas référencé au répertoire des métiers. Pour l'instant, on est 120 en France. Donc, clairement, ça n'intéresse pas encore assez de monde pour que le combat soit vraiment mené. Et on devrait nous mettre sur des statuts d'éducateurs spécialisés, des choses qui sont un peu plus en cohérence qu'adjoint administratif. Mais évidemment, ça coûte plus d'argent, donc en général, c'est pas fait. Donc on est tous sur des salaires assez bas quand même, avec des statuts absolument pas intéressants. Il y en a énormément qui enchaînent des CDD. Moi, j'ai fait 3 CDD de 1 an avant de me battre pour avoir un CDI. Et clairement, la recommandation numéro 5 d'Emmanuel Macron aux Assises de la santé mentale, c'était développer les travailleurs pairs dans les services. Et le problème, c'est que on aimerait bien que la reconnaissance officielle des médiateurs de santé pair ne soit pas que dans les discours, mais dans les faits aussi, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que pour vous ça représente ce voilà ce renversement, c'est-à-dire de passer d'un état de malade avec un truc très stigmatisant autour de la maladie mentale à un métier où en fait cette chose-là c'est le socle de votre métier. Bah c'est juste hyper beau en fait parce que c'est toute la souffrance quoi de toute une vie. Plein d'incompréhensions, enfin de ma part sur moi-même, hein, je veux dire, de choses que je pouvais pas comprendre qui m'arrivaient. Et tout d'un coup, j'ai pu transformer tout ça, toute cette souffrance en quelque chose de. Enfin, en aide à l'autre, en fait. Quoi. Après, c'est juste, j'en reviens toujours pas d'avoir les clés de l'hôpital. Quand on est patient, enfermé, on entend toute la journée les infirmiers passer avec des clés accrochées, là, on entend les bruits de clés toute la journée. C'est insupportable, on peut pas sortir, faut demander l'autorisation pour tout. Et vraiment, quand je suis arrivée et qu'on m'a donné les clés de l'hôpital, j'étais là, mais enfin, d'avoir les clés du service, des services fermés de l'hôpital, ouais, ça, je m'en suis toujours pas remise, quoi. C'est toujours un petit plaisir d'ouvrir les portes quand j'y suis. C'était Utiliser son expérience pour soigner, les savoir-pairs. Avec Fabrice, Elsa, Charlie, Luciole, Céleste, Judith Verrague et Eric. Documentation Caroline Chausset, Archivina, Mylène Touchet. Merci à François Don de l'association Aurore ainsi qu'à toute l'équipe de l'espace Porte de la Chapelle. Merci à Claire Vandenrich et au collectif Flirt. Merci aux hôpitaux Saint-Maurice et à l'équipe de l'espace Colbert ainsi qu'à Marie-Lise Gonzalez. Prise de son, Alexandra Bergel, Célim Guéribi et Virginie Lorda. Mixage, Manon Houssin. Coordination, Perrine Kervran et Marie-Vanna Bolivier. Faire de la santé autrement, une série documentaire de Claire Richard, réalisée par Assia Ralid. True.